Comtesse dit la comtesse de Dia, à chanter mère de ce qu'elle ne voulria. À chanter mère de ce qu'elle ne voulria, ta mère rancue de l'œil que suis à mia, car elle la maïs que ni la reine que sia, vas l'une val mercès, ni courtesia, ni ma beltaz, ni mus pres, ni mus sens, car elle s'im su engana de trahia, cum de grèce el seu fus des avinens. Dai som courneur, car ang nous fit faillens, amics, pas vous, per nous la captenense, ans vous a maïs nous fait seguis, Valença, et place-mi mot que eu d'amar vous vença, lo meus amics, car est lo plus valens, mi fa surgol, sen dit, sen parvens, et si et francs vas toutas altas gens. Meraville-me, con vostre cor surgol, amics, vas me, per cae razu que em doglia, non es es dres qu'autramur vos mi toglia, per nilia re que us diga ni accoglia, et membrez-vous qu'al fut le commencement de notre amour, j'adum negeus nous voglia que ma culpa sia le départiment. Prouesa grand que vostre corps saisina et l'uric prez qu'avez menataïna, qu'une nous sai, l'undaina ni vesine, si vol amar, vas vous nous si acclida. Mas vous, amics, est tambien connuissant que ben deves connuisse la plus fina, et membrez-vous de notre covinence. Valer mi de mus prez et mus parage, se ma beutas se plus vous fis courage, perque vous man l'ai, une vostre stages, et sa chansu, que me sia messages. Et vol saber, lo meus bels amic gens, perque vous m'est tan fes ni tan salvage, nous sai si ses orgolls ou mal salens. Mas ait en plus vos li digas messages, qu'en trop d'orgoglio, en grandan, maintas gens.